Chapitre 15. Nous trouvons Miss Blake traversant la vieille ville de Highley. Elle dirige ses pas vers la maison de Sir Nathaniel Ritherdon. D'ancienne souche et riche par son mariage, ce personnage, d'âge respectable, jouissait d'une très grande notoriété dans le pays. Des liens de solide attachement l'unissaient jadis à Sir Walter Blake, et Miss Blake, comme son frère, avait pour lui autant d'estime que d'affection. Ne pourrais-je parler en particulier à Sir Nathaniel Ritherdon, dit-elle au laquais qui lui ouvrit la porte. C'était la première fois qu'elle ne demandait pas à voir Lady Ritherdon. Elle fut immédiatement introduite dans la bibliothèque de Sir Nathaniel, vaste pièce entourée de grandes vitrines remplies d'ouvrages magnifiquement reliés. Les tentures étaient en velours rouge, de même que le dessus de la cheminée. Un peu de bois s'écroulait en braise. Une sonnette en bronze dont le battant mis en branle eût suffi pour réveiller toutes les nonnes d'un couvent, un bel encrier d'argent repoussé, un buvard aussi grand que le portefeuille d'un ministre, était placé sur la table à côté de Sir Nathaniel, qui faisait tranquillement la sieste. Il bondit sur son siège en se réveillant. À la vue de Miss Dorothée, il se précipita vers elle en lui tendant les deux mains et l'invita à se rapprocher du feu. « Je vous demanderai plutôt à m'en éloigner, il fait si chaud chez vous. Moi, je trouve qu'il fait un froid de tous les diables. Quand on est plus jeune, chère Miss Blake, on devient frileux. La circulation du sang se ralentit. On est toujours à l'état d'une vieille cheminée sans feu. Avez-vous vu Lady Ritherdon? J'irai tout à l'heure lui faire une petite visite, mais je désire vous parler en tête-à-tête d'une affaire des plus sérieuses. Je vous écoute, et si je puis vous être utile en quoi que ce soit, vous savez que ma bonne volonté vous est tout acquise. Allons, de grâce, dites-moi de quoi il s'agit. » Il s'agit de la requête de Vargas. À parler franc, je n'ai fait en cela que suivre l'instigation de Sir Evard Courtney plutôt que ma propre initiative, reprit Sir Nathaniel. Maintenant, je viens vous demander de prendre sérieusement l'affaire en main. Je l'ai promis à la fille de Vargas, qui arrive d'Amérique, et je ne veux pas manquer ma parole. Ah, vous avez vu cette étonnante femme. Elle sort d'ici. Ses paroles m'ont vivement impressionné. J'avoue que je me suis rendu aux raisons qu'elle m'a données pour intervenir en faveur de son père. De nos jours, on ne demande qu'un motif plausible pour commuer la peine capitale. Oui, mais encore faut-il le trouver. N'étiez-vous pas à la chasse le jour où mon frère fut tué? Vous en souvenez-vous? Oui, certainement, répondit Sir Nathaniel, un peu surpris de cette question. Le pauvre Walter. Je me rappelle même avoir fait un temps de galop avec lui. N'avez-vous rien remarqué d'étrange en lui ce jour-là? Rien, sinon qu'il était plus sombre que d'habitude et d'une ardeur folle à la course. Il lançait son cheval comme si la mort lui poursuivit. On prétend qu'un homme menacé d'une fin violente en a toujours le pressentiment. Le souvenir de Walter Blake semble justifier cette superstition. Lui, le plus pacifique des hommes, qui a pu vous suggérer une pareille idée? Sir Evrard Courtney affirmait au contraire à l'audience que mon frère semblait être en fort belle humeur ce jour-là. Vous vous souvient-il qu'ils aient passé beaucoup de temps ensemble? Maintenant que je me reporte à cette journée, dont la fin devait être si tragique, je me rappelle en effet qu'il ne semblait pas être en aussi bons termes que d'habitude, et j'en fis la remarque, fondée ou non. Miséricorde! Était-ce là ce que l'avocat voulait approfondir, lorsqu'il adressa à Sir Evrard Courtney certaines questions? Aurait-il donc su quelque chose? À ce moment, un laquais ouvrit sans bruit les deux battants d'une porte et annonça « Monsieur Blake ». Avant d'entrer, Morton avait entendu les dernières paroles de Sir Nathaniel Ritherdon.